homme que Dieu nous envoyait, le prophète David Ohr, qui vient du Kenya. Sans plus tarder, nous allons leur donner directement la parole afin qu'ils puissent couler dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Let us stand up and pray. Nous pouvons nous tenir debout et prier before the Lord. Devant le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Father, in the name of Jesus. Père, dans le nom de Jésus. Honor and glory belongs to you. L'honneur et la gloire reviennent à toi. Your holy name. Ton saint nom. Lord, thank you for yet another day. Seigneur, merci pour cette nouvelle journée. When you have chosen to speak with your beloved people. Car tu as choisi de parler avec tes bien-aimés. Lord, even as I speak your holy words to them. Père, comme je parle ta sainte parole à eux. Don't allow them to see me. Ne les permets pas de me voir, moi, or hear me, ni de m'entendre, moi, in the name of Jesus. Au nom de Jésus, or let them hear the Holy Spirit. Laisse qu'ils puissent seulement écouter le Saint-Esprit. Lord, hearken their ears unto the voice of the Lord. Seigneur, dirige leurs oreilles à la voix du Saint-Esprit. And open their hearts. Ouvre leur cœur. That they may hear what you are saying now. Afin qu'ils puissent écouter ce que tu es en train de dire maintenant. And prepare the way of the Lord. Et préparer la voie du Seigneur. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Let us clap unto the Acclamons Lord. Acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. What a blessing. Quelle bénédiction. You can sit in the presence Vous of the Lord. Vous pouvez prendre place dans la présence du Seigneur. Okay, c'est bon. What a mighty blessing to be here. Quelle grande bénédiction d'être en ce lieu. This is our last day. C'est notre dernier soir. In the teachings of the conference. Dans l'enseignement pour cette conférence. And then tomorrow. Et demain. Even as the Holy Spirit will lead me. Comme le Saint-Esprit va me conduire. We'll have a worship service tomorrow. Nous allons avoir le service d'adoration demain. And then I'll pray for the sick people. Et je prierai pour les personnes malades. As the Lord will lead me. Comme le Seigneur me conduira. And today. Et aujourd'hui. I want to continue a little bit on what the Lord is saying. Je vais continuer un peu sur ce que le Seigneur est en train de dire. It looks like some of you have not been here. Ça me semble que certains d'entre vous n'étaient pas ici. In fact, most of you may not have been here since we started. Je constate que la plupart d'entre vous n'étaient pas ici depuis que nous avions commencé. But the church is recording video here. Mais l'église est en train d'enregistrer les vidéos ici. So make sure you lay your hand on copies of the messages as the Lord has spoken. Faites de mieux pour avoir une copie de messages qui sont en train d'être enregistrés. And watch those messages. Alors, et regardez ce message. And follow very carefully what the Lord is saying. Et suivez attentivement ce que le Seigneur est en train de dire. So you may be in step with the Holy Spirit. Afin que vous soyez de même accord avec le Saint-Esprit. I know that there is recording taking place in this church. Je sais qu'on est en train d'enregistrer le message dans cette église. It seems most of you are not here. Ça me semble que la plupart d'entre vous n'étiez pas là depuis le début. Please make an effort to gain contact with this message. S'il vous plaît, faites un effort de rentrer en contact avec ce message. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. So I may be able to continue. Afin que je puisse continuer. And then to bring this boat towards the shore. Et puisse conduire cette barque à bon port. Tomorrow. Demain. Then I will finish. Je vais terminer. As we prepare to leave the land, comme nous allons préparer pour quitter le pays, that I may go to other countries also, afin que j'aille aussi dans d'autres pays, and bless them with what you have heard, et les bénir aussi avec ce que vous avez entendu. And so, when we began, ainsi quand nous avions commencé, I want to mention this again since new people are here today. Je dois le mentionner à nouveau comme il y a des nouvelles personnes ici. I want to thank Pastor Fofi. J'aimerais remercier le pasteur Fofi. I want to thank Pastor Fofi. Je vais remercier le pasteur Fofi. So much for inviting the Holy Spirit here. Vraiment pour avoir invité le Saint-Esprit ici. Thank you so much even for allowing me to be here. Vraiment merci beaucoup même de m'avoir permis d'être ici. And I also want to thank your humble wife. Je veux aussi remercier ta femme, ta humble femme, with whom you serve the Lord avec qui vous servez le Seigneur dans cette maison. Don't reduce anything at all because my voice is going down. Don't reduce anything. Ne réduisez rien parce que ma voix est en train d'aller. That's why I was moving it so I can be able to hear it well as a feedback. C'est la raison pour laquelle je l'ai déplacé pour que je sois capable d'avoir un feedback. Hallelujah. Hallelujah. And so thank you so much for allowing us to be here. Alors merci beaucoup de nous avoir permis d'être ici. When we began, quand nous avions commencé, I started speaking with you. J'ai commencé à parler avec vous on the accurate word of God. Sur la parole juste de Dieu. On what God is saying to the church today and now. Ce que Dieu est en train de dire à l'église aujourd'hui et maintenant. And I also brought it to your attention. J'ai aussi amené à votre attention that time has passed. Et que le temps est passé. I please request everybody who is out to enter into the house of Jehovah. Je demande à ceux qui sont encore dehors de rentrer s'il vous plaît dans la maison de Jéhovah. Ushers help everybody inside the house. Que les placiers puissent aider toutes les personnes à rentrer ici à l'intérieur. There is no more time for staying out at all. Il n'y a plus de temps de rester en dehors de la maison. Make sure you catch this very well with your babies. Don't worry whether they are making noise. Bring them in. Ne vous inquiétez pas même pour les bébés, même s'ils font des bruits, amenez-les seulement à l'intérieur. I am going to wait until they enter. Je vais attendre jusqu'à ce qu'ils rentrent. And then I'll move with this. Ainsi, je pourrai évoluer. Because this is of extreme gravity. Parce que ceci est d'une gravité importante. This is very critical to the church. C'est un message très très précieux, important pour l'église. There is no time to being out. Ce n'est plus le temps de rester en dehors. And I said, et j'ai dit, you will not get this on Christian television. Vous n'aurez pas ce message sur les chaînes chrétiennes à la télévision. You will not get it on Christian radio. Vous ne l'aurez pas non plus sur les chaînes de radio. Because this is what the Lord God Almighty is saying now. Parce que c'est ce que le Seigneur Dieu Tout-Puissant est en train de dire maintenant. And it's coming very sharp as a sword. Alors il vient de façon directe comme une épée. It is removing the tumors and throwing them out. C'est en train d'enlever des tumeurs et de les jeter dehors. It is cleaning out. C'est en train de nettoyer de l'intérieur à l'extérieur. And there is a certain level of pain that is coming with it. Il y a un certain degré de douleur qui vient avec ce message. Even as the Lord is trimming the church. Comme le Seigneur est en train de raffiner l'église. And purifying the church. En train de purifier l'église. And that's why. C'est pourquoi. This kind of message can spoil for can chase away the customers. Ce genre de message peut chasser les coutumes. Les habitudes. Chase away the clients. Ça peut chasser les clients de l'église. That's why I said you cannot find it in the commercialized Christian TV. C'est pourquoi j'ai dit que vous pouvez pas voir ça sur les chaînes commerciales de télévision chrétienne. This only comes from the throne of God. Ceci ne vient que du trône de Dieu. Because time is over. Parce que le temps est parti, le temps est fini. Time for playing games in church is over. Le temps de faire le jeu à l'église est terminé. It is time to prepare for the coming of the King. C'est temps de préparer pour l'arrivée du roi. When I started, I began by the conversation of November 1. Quand j'ai commencé à parler, j'ai commencé par la conversation du 1er novembre. The year 2006. L'année 2006. The mighty conversation of the Lord. La puissante conversation du Seigneur. At 3 a.m. À 3 heures du matin. And the Lord, he presented two wedding rings. Quand le Seigneur a présenté deux anneaux de mariage. Very golden. Très doré. And glorious. Et glorieux. And mighty. Et puissant. And precious. Et précieux. And costly. Et vraiment d'un grand prix. And beautiful. Et d'une grande beauté. And then he presented them in the sky. Alors Dieu a présenté cela dans le ciel, dans le ciel. And then the voice of the Lord. Et la voix du Seigneur. Said from today on. A dit à partir d'aujourd'hui. All authority in heaven. Toute autorité dans le ciel. and the authority on the earth et l'autorité sur la terre has been given to Christ Jesus. A été donné à Christ Jésus. And I started giving you the revelation on that message. Et j'ai commencé à vous donner la révélation de ce message. And I said, et j'ai dit that the Lord is telling the church, que le Seigneur est en train de dire à l'église, that look, regardez, in the calendar of heaven, dans le calendrier du ciel, the day of the wedding of the Lamb of God, le jour de l'agneau de Dieu, is the most critical day in the calendar of God. Le jour des noces de l'agneau de Dieu, c'est le jour le plus critique dans le calendrier de Dieu. Why is it the most important day in heaven? Pourquoi est-ce que c'est le jour le plus important au ciel? Because for many years, parce que pour plusieurs années, Jesus was missing from heaven. Jésus est manqué au ciel. The seat that Jesus should have been sitting on. Le siège où Jésus était supposé s'asseoir au ciel. On the right hand of the Father. À la droite du Père. That chair was empty for some years. Ce siège était vide pendant des années. Because he had been sent down to the earth. Parce que Jésus était envoyé ici bas sur la terre. To redeem the church. Pour racheter l'église. To save the church. Pour sauver l'église. Liberate the church. Pour libérer l'église. Purchase the church. Pour acheter l'église. And prepare her. Et la préparer. For the kingdom of God. Pour le royaume de Dieu. He was absent. Il était absent. And then when the day came, alors quand le jour était venu, for him to purchase the church, pour lui de racheter l'église, we don't know where eternity begins. Nous ne savons pas quand est-ce que l'éternité a commencé. But we know that ever since eternity, et nous savons que depuis les temps d'éternité, never has Jesus separated from the Father. Jésus ne s'est jamais séparé de son Père. But on that material day on the cross, mais ce jour matériel sur la croix, heaven closed over him. Le ciel s'est fermé sur lui. That he may pay the price. Afin qu'il puisse payer le prix. That he may pay the punishment. Afin qu'il puisse payer la punition. Bear the judgment. Qu'il puisse porter le jugement. To carry the sins of man. Pour porter les péchés des hommes. To carry the death that was on man. De porter la mort qui était sur les hommes. To carry everything that came with the fall of Adam. De porter sur lui toutes les choses qui ont suivi avec la chute d'Adam. He said, people. Il a dit, peuple. Leave it on me. Laissez-moi sur moi. Let me take it on. Laissez-moi prendre toute cette peine. And he carried it on the cross. Alors il a porté cela sur la croix. And on that day, à ce jour-là, because of the holy nature of God the Father, à cause de la nature sainte de Dieu le Père, because of the separation that is between God and sin, à cause de la séparation qu'il y a entre Dieu et les péchés, he shut down heaven over. Alors Dieu le Père a fermé le ciel sur Jésus. And Jesus wept. Alors Jésus a pleuré. They tortured him. On l'a torturé. On the way to the cross. Sur le chemin vers le calvaire. They beat him until he fell down. On l'a frappé jusqu'à ce qu'il soit tombé. The shoulder. Son épaule. Where he was using for carrying the cross. Qu'il utilisait pour porter la croix. They broke it. On l'a brisé. And he fell down with the cross. Il est tombé avec la croix. He suffered, he was abused. Il a souffert, il était abusé. Terribly abused by man. Terriblement abusé par les hommes. And he went to the cross. Alors il est allé sur la croix. Isaiah 53 says. Ésaïe 53 dit ceci. I need to read it. J'aimerais lire cela. You cannot miss to read Isaiah 53. Vous ne pouvez pas manquer de lire Ésaïe 53. If you don't read it, you haven't read the Bible yet. Si vous n'avez pas lu ce chapitre, vous n'avez pas encore lu la Bible. Verse 2, Isaiah 53. Ésaïe 53, le deuxième verset. He grew up before him like a tender shoot. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Let me wait for people. Laissez-moi attendre pour les gens. Get to Isaiah 53. Allez sur Ésaïe 53. Allez à Ésaïe 53. I'm reading from verse 2. J'ai lu à partir du deuxième verset. He grew up before him like a tender shoot. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Like a root out of dry ground. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. He had no beauty or majesty to attract us to him. Il n'avait ni beauté ni éclat pour nous attirer, pour attirer nos regards. Nothing in his appearance that we should desire him. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. He is describing. Il est en train de décrire how much Jesus was damaged. Comment Jésus-Christ était endommagé. How much he was abused. Comment il était abusé. They abused him until he was disfigured. On l'a tellement abusé jusqu'à ce qu'il était défiguré. His appearance was destroyed. Son apparence était complètement détruite. Verse 3. Le troisième verset. He was despised, méprisé, and rejected by men, et abandonné des hommes. A man of sorrows, homme de douleur, and familiar with suffering, et habitué à la souffrance. He became the man of sorrows. Il est devenu l'homme de douleur. Who is familiar with weeping and suffering and pain. Il est habitué à la souffrance, and loneliness, and sorrow. La solitude, la souffrance. You gave him another name. Vous lui donnez un autre nom. You gave him another name. Vous lui donnez un autre nom. The darling of heaven. La perle du ciel. The son of the living God. Le fils du Dieu vivant. The precious one of heaven. Le précieux du ciel. You gave him another name. Vous lui avez donné un autre nom. You abused him. Vous l'avez abusé. To the point. Jusqu'au point. That he became the man of sorrows. Au point qu'il devient l'homme de douleur. Familiar with suffering. Habitué à la souffrance. Hallelujah. Hallelujah. And they say, and the Bible says, la Bible dit, surely he is hallelujah, a man of sorrows. L'homme de douleur. And familiar with suffering. Habitué à la souffrance. Like one from whom men should hide their faces. Semblable à celui dont on détourne les visages. When they see, they just hide their faces. Quand on le voit, on détourne les visages. Like men, one from whom people should hide away their faces. C'est comme si quelqu'un que les gens doivent cacher leur visage quand on le voit. He was despised. Il a été dédaigné. Nous and l'avons dédaigné. He was despised. Il a été dédaigné. And we esteemed him not. Nous n'avons pas fait de lui aucun cas. And you see in Isaiah 52, et vous voyez à Isaïe 52, verses 13 on, verset 13 et plus bas, he says, il dit ceci, see my servant will act wisely. Voici mon serviteur prospérera. He will be raised and lifted up and highly exalted. Il montera, il s'élèvera, just as there were many who were appalled at him. Il s'élèvera bien plus haut, de même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi. His appearance was disfigured. Tant son visage était défiguré. Beyond that of any man. Tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. And his form was marred beyond human likeness. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. That is how much damage and abuse. C'est ainsi comment il a été endommagé et abusé. That Jesus took. Cette souffrance qu'il a portée. And so, ainsi, the Father shut him out. Le Père a fermé le ciel sur lui. But when he was being abused, mais quand il était abusé, never did he reply them. Il n'a jamais répliqué à ces gens-là. Never did he say, no, don't touch me, don't beat me, stop me. Il n'a jamais dit non, ne me touchez pas, ne me frappez pas. The Bible says, la Bible dit, the same Isaiah, le même Isaïe, like a sheep being led to slaughter, comme une brebis qu'on mène à la boucherie pour être égorgé, did ever open his mouth. Il n'a jamais ouvert la bouche. He was quiet. Il était silencieux. He went through it fully. Il est rentré en cela pleinement. Hallelujah, hallelujah. He suffered for the church. Il a souffert pour l'église. Abused today. Abusé aujourd'hui. If you go out here, si vous sortez là dehors, and try to beat a dog, et que vous essayez de frapper un chien, you will be arrested. On va vous arrêter. There are laws. Il y a des lois that protect the dogs. Il y a des lois qui protègent les chiens. But there was no law. Mais il n'y avait aucune loi. To protect the Messiah. Pour protéger le Messie. No law. Pas de loi. To protect him. Pour le protéger. So he was abused. Alors il était abusé. But then. Alors. When the Father. Quand le Père. He was hanging on the cross. Quand il était cloué sur la croix. When the Father finally, quand le Père finalement, shut down heaven on him, a fermé le ciel sur lui, he wept, Il a pleuré. He now opened his mouth. Maintenant, il a ouvert sa bouche. He said, my father, il a dit, mon père, why have you abandoned me today? Pourquoi tu m'as abandonné aujourd'hui? Then he cried. C'est ce jour-là qu'il a crié. Because never had it happened. Parce que ça ne s'est jamais produit, jamais arrivé. And lightning hit him. La lumière l'a frappé pas. And darkness came over the earth. Et le ténèbre est venu sur la terre. He suffered these things. Il a souffert ces choses. That the church, afin que l'église, may enter the kingdom of God, puisse entrer dans le royaume de Dieu. That you, afin que vous, may inherit the kingdom of God, que vous puissiez hériter le royaume de Dieu. And I said, et je dis, the redemption of Jesus, the redemption of the church by Jesus, la rédemption de l'église par Jésus, the salvation of men by Jesus, le salut des hommes par Jésus, the deliverance of man, la délivrance des hommes, on the cross, sur la croix, cannot be completed, ne sera jamais complet, until you, jusqu'à ce que vous, the church, vous l'église, has finally entered, que vous puissiez finalement entrer dans le royaume. Alléluia. Alléluia. So you understand the importance of this message here. Ici vous pouvez comprendre l'importance de ce message. What is the point? Quel est le point? In dancing, dancing. En dansant, dansant, dansant. Speaking in tongues. Parler en langue. And then fail to enter. Et puis échouer d'entrer au ciel. And so the Lord is saying, alors le Seigneur est en train de dire, the wedding of the lamb is important to him. Les noces de l'agneau sont importantes pour lui. And if you belong to the kingdom of God, et si vous appartenez au royaume de Dieu, even you the church, même vous l'église, that should be the most important day in your life. Ça doit être le jour le plus important dans votre vie. I have never described to you. I have never described to you. Je ne vous ai jamais pas encore décrit. I have seen the earth after the wedding of the Lamb. J'ai vu la terre après l'enlèvement de l'église. In fact, on the 26th of October. En fait, le 26 octobre this year, de cette année 2008, he again showed me the Antichrist. Il m'a encore montré l'Antichrist. And the way he was devouring the saints. Et comment il était en train de dévorer les saints. You don't want to miss the rapture. Vous ne voudriez pas manquer l'enlèvement. All of you, when you come to Pastor Fofi, chacun d'entre vous quand vous venez chez le pasteur Fofi, you want to get married. Vous voulez être marié. They prepare. On prépare. You are told to go prepare. On vous dit d'aller vous préparer. You do the premarital counseling. Vous faites les premières construire les premiers conseils de mariage. You buy things at home, preparing yourself. Vous achetez les choses à la maison, vous vous préparez vous-même. But then, alors, when you finally come and say, now we are ready, quand vous venez finalement dire au pasteur, nous sommes maintenant prêts, he will ask you normally, normalement le pasteur va vous demander, have you found the rings? Avez-vous trouvé les anneaux pour le mariage? Have you found the rings? Avez-vous trouvé les alliances de mariage? And when you find the rings, quand vous trouvez les anneaux, that wedding is ready. Alors le mariage est prêt. The Lord God Almighty in heaven, le Dieu Tout-Puissant dans le ciel, he has sent me to announce to the church, il m'a envoyé pour annoncer à l'église, that look, mais regardez, the Lord God, le Seigneur Dieu, the Father of Christ, le Père de Jésus-Christ, he has found the rings. Il a trouvé les anneaux de mariage. That means that wedding is ready. Ça veut dire que ce mariage est prêt à s'accomplir. That's why I say it is not time to stay outside the church. C'est pourquoi je dis ce n'est plus le temps de rester en dehors de l'assemblée de l'église. I know at times you come as a social event. Ce n'est plus le temps de venir comme dans un événement social. You're meeting your friends outside the service is going on. Vous rencontrez vos camarades dehors pendant que le service est en train de se dérouler à l'intérieur. Oh, I have not seen you for many days. Oh, je ne t'ai pas vu il y a plusieurs jours. How are you today? Comment vous allez aujourd'hui? And then the next moment the service is over. Et après un moment le service est terminé. Coming to show people that your new clothes for Christmas. Pour venir montrer aux gens que vous avez un nouvel habit pour le temps de Noël. The red dress that you bought. Les habits rouges que vous avez acheté. The high shoes you bought. Les chaussures hautes que vous avez achetées. That Time is over in the church. Le temps est terminé à l'église. Time has now come. Le temps maintenant est arrivé. That the true worshippers, que les vrais adorateurs, may worship in the spirit and in the truth, doivent adorer en esprit et en vérité. The true worshippers of God, les vrais adorateurs du Seigneur, they must now worship in the spirit, ils doivent maintenant adorer en esprit, and in the truth of God, et dans la vérité de Dieu. You cannot keep worshiping at Jacob's well, tu ne peux pas continuer à adorer au puits de Jacob. The well of Jacob. Le puits de Jacob. It is time to worship in the spirit. C'est maintenant le temps d'adorer en esprit. And the truth. Et dans la vérité. For a long time. Pour longtemps. You have been at that well. Tu as été à ce puits. But the Lord is saying now. Mais le Seigneur est en train de dire maintenant. The wedding is ready. Le mariage des anneaux est proche. The wedding rings are spiritual. Les anneaux de mariage sont spirituels. You too need to be spiritual. Vous aussi vous devez être spirituel. Jesus is the spirit-filled man. Jésus-Christ est l'homme rempli de l'esprit. In the book of Isaiah chapter 61. Dans le livre d'Ésaïe 61. The spirit of the Lord is upon me. L'esprit du Seigneur est sur moi. To proclaim the good news. Pour proclamer la bonne nouvelle. And set the captives free. Pour libérer les captifs. Good news to the poor. La bonne nouvelle aux pauvres. Listen to me somebody. Écoutez-moi quelqu'un. When John the Baptist baptized him. Quand Jean-Baptiste l'a baptisé. In Matthew chapter 3. Dans Matthieu chapitre 3. The Spirit of the Lord, l'esprit du Seigneur, descended from heaven, est descendu du ciel, like a dove, comme une colombe, and landed on him, et atterri sur lui. He is the anointed one. Il est le roi du Seigneur. He is the one that has been anointed. Il est celui qui a été roi de Dieu. The anointed one, le saint, le roi de Dieu. He is spiritual. Il est spirituel. He is spirit filled. Il est rempli de l'esprit. But if you are going to wed him, et si vous allez vous marier à lui, if you are going to marry him, si vous allez vous marier à lui, you must be a spiritual church. Vous devez être une église spirituelle. Get out of the flesh. Sortez de la chair. Take some days and fast. Prenez quelques jours de jeûne et prière. Stop choosing the world. Arrêtez de choisir le monde. Get the miniskirts out of your closets. Enlevez les mini-jupes de votre garde-robe. Get your long sleeves out of the closet. Enlevez les collants serrés de votre garde-robe. Get your tight trousers out of the house, out of you. Enlevez même les habits serrés sur vous-même, de votre vie. Begin to wear the image of Christ. Commencez à porter l'image du Christ. He is coming for a mature church. Il vient pour une église qui est mûre, mature. He is not coming for an infant. Il ne vient pas pour un enfant. Let me just read something here. Laissez-moi lire quelque chose ici. The book of 2 Peter, somebody. 2 Peter. Le livre de 2 Pierre. 2 Peter, I'm reading real quick. Je lis rapidement le livre de 2 Pierre. Chapter 3. Chapitre 3. Verse 9 on. Verset 9 et plus bas. Verse 9, it says, 2 Peter chapter 3, precious people. 2 Pierre chapitre 9. 2 Pierre chapitre 3, verset 9. 2 Pierre chapitre 3, verset 9. Verse 9 on. Et jusqu'en bas. He says, il dit ceci. The Lord is not slow in keeping his promise. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. As some understand slowness. Comme quelques-uns le croient. He is patient with you. Mais il use de patience envers vous. Not wanting anyone to perish. Ne voulant pas qu'aucun périsse. But everyone to come to repentance. Mais voulant que tous arrivent à la repentance. Verse 10. Le dixième verset. But the day of the Lord will come like a thief. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. And the heavens will disappear with a roar. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. And the elements will be destroyed by fire. Les éléments embrasés se dissoudront. And the earth and everything in it will be laid to bare. Et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumé. Since everything will be destroyed in this way, puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, what kind of people ought you to be? Quelles ne doivent pas être la sainteté? You ought to live a holy and godly. You ought to live holy and godly lives. Vous devez vivre une vie de sainteté, une vie de piété. As you look forward to the day of God. Quand vous regardez au jour du Seigneur. And speed up is coming. And speed up is coming. Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés s'effondreront. Hallelujah, I'm reading verse 14. Verset 14. So then, dear friends, c'est pourquoi, bien-aimés, since you are looking forward to this, en attendant ces choses, make every effort to be found spotless. Appliquez-vous à être trouvé par lui sans tache, blameless, irrépréhensible, and at peace with him, dans la paix, spotless, sans tache, blameless, irrépréhensible, without a wrinkle, sans de tache. That tells you, cela vous dit, that if the wedding rings are ready, si les anneaux de mariage sont prêts, then the church must have the wedding gown. Alors l'église doit avoir la robe de mariage. How is your wedding gown? Comment est-ce que se trouve votre robe de mariage? We read from Revelation. Nous avons lu dans Apocalypse. The wedding gown, la robe de mariage, is what it describes as fine linen, bright and clean. C'est ce qu'il décrit dans la Bible comme le fin lin éclatant et pur. And he says that is the righteousness of the church. Alors il est dit cela est la justice de l'église. That is the holiness of the church. Ça c'est la sainteté de l'église. In Hebrews chapter 12 verse 14. Dans le livre d'Hébreux chapitre 12 verset 14. He says make every effort to live in peace with all men. La Bible dit que faites tout votre effort de vivre en paix avec tous. And to be holy. Et de chercher la sanctification. For without holiness, car sans la sanctification, nobody will see the Lord. Personne ne verra le Seigneur. You begin to understand the wedding gown. Vous commencez à comprendre le sens de la robe de mariée. How critical it is. Comment est-ce vraiment important? And today I want to read one more scripture. Aujourd'hui, je vais lire encore une écriture. Then I will give you the next three conversations the Lord is having with the church. Alors je vais vous donner les trois prochaines conversations que Dieu est en train d'avoir avec l'église. Zechariah chapter 3. Zacharie chapitre 3. Precious people. Précieux peuple. Why this church? Pourquoi cette église ici? That I cannot answer. Pourquoi ici à Christ en action? Je ne peux même pas répondre à ça. Why this church in Montreal? The whole Montreal. Pourquoi dans tout ce grand Montréal? Pourquoi cette assemblée ici? There are many churches in Montreal. Il y a plusieurs églises à Montréal. But why this one? Pourquoi celle-ci? If this message is this important. Si ce message est tellement important. That I cannot answer. Et que ça je ne peux même pas répondre. Only the Lord can answer. Dieu seul peut répondre à cette question. Why it has to be released here? Pourquoi ce message doit être libéré ici dans cette assemblée? And this message, et ce message touches on the eternity of the whole church in Canada. Ça touche sur l'éternité de toutes les églises au Canada. Touches the eternity of the church of Christ in the whole Canada. Ça touche sur l'éternité de toutes les églises ici au Canada. After tomorrow, après demain, I will leave. Je vais quitter. God is not democratic, right? Dieu n'est pas démocratique. Hallelujah. The book of Zechariah chapter 3. Zacharie chapitre 3. I am reading precious people. Je suis en train de lire précieux peuple. Verse 1. Le premier verset. Then he showed me Joshua the high priest. Il me fit voir Josué le souverain sacrificateur. Standing before the angel of the Lord. Debout devant l'ange de l'Éternel. And he says. Il dit. And Satan standing at his right hand side. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. To accuse him. Pour l'accuser. The Lord said to Satan. L'Éternel dit à Satan. The Lord rebuke you, Satan. Que l'Éternel te réprime, Satan. The Lord who has chosen Jerusalem rebuke you. Que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. Is not this man a burning stick snatched from the fire? N'est-ce pas là un tisson arraché au feu, arraché du feu? Now Joshua. Or Josué was dressed in filthy clothes. Était couvert de vêtements sales. as he stood before the angel. Et il se tenait debout devant l'ange. Then the angel said to those who were standing before him, l'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, take off his filthy clothes. Ôtez-lui les vêtements sales. Then he said to Joshua, puis il dit à Josué, see, I have taken away your sin. Voici, je t'enlève ton iniquité. And I'll put rich garment on you. Et je te revêt d'habits de fête. Then I said, j'ai dit, put a clean turban on his head. Qu'on mette sur sa tête un turban pur. So they put a clean turban on his head. Et ils mirent un turban pur sur sa tête. And clothed him. Et ils lui mirent des vêtements. While the angel of the Lord stood by. L'ange de l'Éternel était là. Then the angel of the Lord gave this charge to Joshua. L'ange de l'Éternel dit, fit à Josué cette déclaration. This is what the Lord Almighty says. C'est ce que le Dieu Tout-Puissant dit. If you will walk in my ways. Si tu marches dans mes voies. If you will walk in my ways. Si tu marches dans mes voies. And keep my requirements. Et si tu observes mes ordres, then you will govern my house. Tu jugeras ma maison. And have charge over the courts. Et tu garderas mes parvis. And I'll give you a place among these standing here. Et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Alléluia. Alléluia. Joshua. Josué. Appears before. Let's be mature here. Laissez-moi donner un peu de maturité ici. The angel of the Lord being spoken about here. L'ange de l'Éternel qui parle ici. Is our Lord Jesus. C'est notre Seigneur Jésus. And those others who are standing among him that he said. Ceux qui se tiennent au milieu de, donc, selon qu'il est écrit. The ones he was giving authority, giving charge to remove the filthy clothes. Ceux à qui on a donné la charge d'enlever les vêtements sales de Josué. Those are the angels in heaven. Ce sont les anges du ciel. But listen to this. Mais suivez ici. The importance of the wedding gown. Et suivez l'importance de la robe de mariage that the church ought to be wearing now. Que l'église doit être en train de porter maintenant. When Joshua appeared before the Lord, quand Josué est apparu devant l'Éternel, he was wearing a filthy garment. Il portait un vêtement sale. He was wearing filthy clothes. Il avait des habits souillés. And as he wore the filthy clothes, comme il a mis des vêtements souillés sales, the devil. Le diable Satan est apparu à sa droite. And began to claim right over him. Et le Satan a commencé à réclamer les droits sur Josué. Began to accuse him. L'ennemi a commencé à accuser Josué. No, he is mine. Non, il est à moi. Look, he is mine. Regarde, il est à moi. Listen to me, somebody. Écoutez-moi, quelqu'un. Then at that time, à ce moment-là, the Lord gave charge. L'Éternel a donné ordre. That they may remove his filthy clothes. Qu'on puisse enlever ses vêtements sales, souillés. And clothe him with rich garment. Qu'on puisse lui mettre avec un vêtement propre. Immediately. Immédiatement. That the filthy clothes are removed. Oh, immédiatement quand le vêtement sale, souillé était enlevé. Never ever again. Plus jamais encore. Do you find Satan? Vous allez voir que Satan. Claiming him. Le réclame à nouveau. The church, l'église, right now, en ce moment, she's wearing filthy garments. Elle porte des habits sales, souillés. That's why Satan, c'est pourquoi Satan, is busy claiming right over the church. Il est occupé à réclamer ses droits sur l'église. Listen to this. Écoutez ceci. It is called, c'est appelé, identity markers. La marque d'identité. If you have a mark of homosexuality, si vous avez une marque d'homosexualité, he says, but that's mine. Alors Satan dira, mais non, ça c'est à moi. Look, he's wearing my mark. Regarde, il porte ma marque. There is no way the church could even claim she doesn't belong to the devil. Il n'y a même pas moyen que l'église puisse dire qu'elle n'appartient plus à Satan. Because the evidence is clear. Parce que l'évidence est claire et là. The love of money is out. L'amour de l'argent est dehors. She's wearing a garment with a stain written love of money. Elle porte des vêtements avec une saleté écrit dessus amour de l'argent. Sexual sin is out. Le péché sexuel qui est dehors. In the world there. Dans le monde là-bas. She's also wearing a gown written sexual sin. Elle aussi, l'église porte un vêtement où on a écrit péché sexuel. God Almighty, le Dieu Tout-Puissant, has sent me to tell the church, m'a envoyé pour dire à l'église, remove your filthy garment, enlevez votre vêtement sale, and wear the costly garment, et portez le vêtement précieux, the blood of Jesus, le sang de Jésus, that the devil may never ever claim you afin again, que le diable ne plus jamais vous réclamer, because you belong to the kingdom of God, parce que vous appartenez au royaume de Dieu, for as long as, parce que aussi longtemps you wear the identity mark of the devil, que vous portez la marque d'identité du diable, you wear the world, vous portez sur vous le monde, the worldliness, la mondaineté, you wear sin, vous portez le péché, the devil will appear to claim you, le diable apparaîtra pour vous réclamer, pour vous revendiquer. No, but she's mine. Elle va dire, mais wow, elle est à moi. Yesterday we were with her in the disco. Hier, nous étions avec elle dans le disco. Last week we were with her in the movie theater. L'autre semaine, nous étions avec elle à la salle de cinéma. We were watching the new release from Hollywood. Nous avons vu le dernier film qui sort de Hollywood. How this man is cheating on his wife. Comment cet homme triche sur sa femme. With the secretary. Avec la secrétaire. We were seated in the movie theater enjoying that. Avec la secrétaire prenant le plaisir dans la salle de cinéma. How can she now claim she's not mine? Comment est-ce qu'elle peut dire maintenant qu'elle ne m'appartient pas? But 5 minutes ago, mais il y a 5 minutes avant, we were busy lying with her on the phone. J'étais en train de mentir avec elle au téléphone. The Lord is asking the church, le Seigneur demande à l'église, to be covered by the blood of Jesus, d'être couvert par le sang de Jésus, that she may change her identity, afin que Dieu change son identité, and wear the identity of God, et puisse porter l'identité de Dieu. That is the wedding gown. C'est ça la robe de mariage. The blood of Jesus. Le sang de Jésus. Has a life transforming power. Cela a une puissance qui transforme les vies. If you walked into the church, si vous rentrez à l'église, receive the Lord here, et vous acceptez le Seigneur ici. You know when they come in, vous savez quand vous arrivez, you have to leave the doors wide open. Vous devez laisser la porte grandement ouverte. Because they come in all form of dressing. Parce qu'elles viennent avec toute forme d'habillement. They are tired of the world. Ils sont liés avec le monde. They come with open chest showing their breasts. Ils viennent avec la poitrine ouverte montrant leurs seins. Miniskirts, long slits. Avec les mini-jupes, avec des longues jupes, avec des longues pantes à côté. Then finally you make the altar call. Alors finalement on fait l'appel pour le salut. They come. Alors ils viennent. But viennent. If you come like that, mais il y a très peu qui viennent comme ça. Receive Jesus. Qui reçoivent Jésus. And then 2 years down the line, et alors 2 ans plus tard, you are still dressed like that. Vous continuez à vous habiller de cette manière-là. You have not yet been delivered. Vous n'êtes pas encore délivré. You have not been purchased. Vous n'êtes pas encore racheté. Purchase means, racheter ça veut dire, I don't belong to me anymore. Je ne m'appartiens plus à moi-même. He bought me. Il m'a racheté. Listen to me, precious people. Écoutez-moi, précieux peuple. When he presented the wedding rings in the sky, quand il a présenté les anneaux de mariage dans le ciel, he spoke much to the church. Il a beaucoup parlé à l'église. He told the church, il a dit à l'église, prepare the wedding gown. Préparez la robe de mariage. Time is out. Le temps est terminé. And I told you, et je vous ai dit, that because time is out, à cause que le temps est fini, we don't have more time, nous n'avons plus de temps, for playing the marketplace in the church, de jouer le marché ici à l'église. Right now, I was talking to brethren from South America. J'étais en train de parler avec les bien-aimés en Afrique du Sud. And they were saying, South America needs this gospel. Ils disent, l'Afrique du Sud a besoin de cet évangile. They were seated here. Ils étaient assis ici. During the pastor's conference. Pendant la conférence de pasteurs ce matin. And I was telling them, et je leur disais, that the church has become a place for selling and buying. Que l'église est devenue un endroit où on vend ou on achète. Just turn on the TV and you see. Regarde à la télévision, vous allez voir ça. And they told me South America is worse. Ils me disent que non, en Amérique latine c'est pire. They go and get a piece of wood. Ils vont prendre un morceau de bois. And they cut it into small pieces, 1 million of them. Ils coupent ça en petits morceaux. 1 million de morceaux de ça, des pièces de cela. And wrap them with polythene paper. Ils embassent avec des papiers polis. And then they lie. Après, ils mentent. They say, I have a piece of the cross of Jesus. Et ils disent, j'ai une partie de la croix de Jésus. And people run, they pay any amount. Et les gens courent, ils payent n'importe quel prix pour acheter ces petits morceaux de bois. They say, I came back from Israel with a piece of the cross. Alors ils disent, je reviens d'Israël avec une petite partie de la croix de Jésus. And they become millionaire pastors. Alors ils deviennent des pasteurs millionnaires. They get an old dirty cloth in the dustbin somewhere. A cloth very old and dirty in the garbage. Ils prennent un habit très vieux et très sale dans une poubelle. They cut it in small pieces and say, I got the cloth of Jesus from et the cross. Ils coupent ça en petites pièces, en petits morceaux, en disant, j'ai l'habit que Jésus avait porté avec moi. People run to buy. Alors les gens courent pour acheter. That's why Jesus sent me to you. C'est pourquoi Jésus m'a envoyé vers vous. That the truth may set you free. Afin que la vérité vous rend libre. Once for all. Libre pour toutes. One time for all. Une fois pour toutes. Never to go back there. Ne retournez plus là-bas. The blood of Jesus is free of charge. Le sang de Jésus est gratuit. Time is over. Le temps est terminé, consommé. Prepare your lives. Préparez vos vies. Return to holiness. Retournez à la sainteté. I don't have time. Je n'ai pas le temps. I really need to go to the conversation. Je vais vraiment aller dans la conversation. Listen to what he says here in the book of 2 Peter again. Regardez ce qu'il dit encore dans le livre de 2 Pierre. Chapter 1. 2 Pierre. 1 Peter chapter 1, precious pastor. 1 Pierre chapitre 1. Verse 13. Le verset 13. He says. Le premier épître de Pierre chapitre 1 verset 13, il dit. Therefore, prepare your minds for action. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Be self-controlled. Soyez sobre. Set your hope fully on the grace to be given to you when Jesus Christ is revealed. Et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. As obedient children, do not conform to the evil desires you had when you lived in ignorance. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Verse 15 is so important, I would underline it. Le verset 15 est tellement important, il faut le souligner. He says, il dit ceci. But just as he who called you is holy. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint. So be holy in all you do. Vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. All you do. Toute votre conduite. Not 99%. Pas 99%. Not 90%. Pas 90%. All you do. Dans tout ce que vous faites. And he says. Et il dit. He says, but just as he who called you is holy. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint. So be holy in all you do. Vous aussi soyez saint dans toute votre conduite. For it is written. Selon qu'il est écrit. Be holy. Vous serez saint. Because I am holy. Car je suis saint. So let us go back to holiness. Alors retournons ensemble à la sainteté. Prepare yourselves for the coming king. Préparez-vous vous-même pour le retour du grand roi. Have you ever asked yourself? Est-ce que vous vous êtes déjà demandé? Every morning. Chaque matin. Before you step out of your house. Avant que vous puissiez sortir de votre maison. Whom am I dressing for today? Pour qui est-ce que je m'habille aujourd'hui? Look at yourself in the mirror. Regardez vous-même sur le miroir. Devant le miroir. Whom am I dressing for today? Pour qui est-ce que je m'habille aujourd'hui? Am I dressing for the men or the women out there? Est-ce que je m'habille pour les hommes ou pour les femmes dehors là-bas? Or I'm dressing for the king. Ou je m'habille pour le roi. And then you begin to review your life. Alors tu commences à revoir ta vie. And bring repentance before the Lord. Et amène la repentance dans votre vie. There is a lot to share. Il y a beaucoup à partager. But I want to go into this very important conversation. Mais je veux aller dans cette conversation importante. I shared twice already here. J'ai déjà partagé à deux reprises ici. On the mighty visitation of the Lord God Almighty. Sur la visitation du Dieu Tout-Puissant. August 19th, le 19 août, when the third living creature, quand le troisième être vivant, around the throne of God, autour du trône de Dieu, the one with the human face, celui qui a le visage d'homme, He released the black horse. Il a relâché le cheval noir. And I shared very clearly here. Alors j'ai partagé clairement ici. That I began to proclaim the coming of a global economic crisis. J'ai commencé à proclamer l'arrivée de la crise économique mondiale. Because the rider of the horse. Parce que le cavalier du cheval noir. Is carrying a scale, a balance on his hand. Il porte une balance dans sa main. Which means selling and buying. La balance veut dire acheter et vendre. And I said it would translate into global famine. J'ai dit que ça va se transformer à une famine mondiale planétaire. And we saw that in a very short time. Et nous avons vu cela s'accomplir à un court temps, un temps record. After pronouncing that to the earth, après avoir prononcé cela sur la terre, the financial markets crashed. Le marché financier s'est écroulé. People try to run to withdraw their money from banks. Les gens ont couru dans les banques pour sortir leur argent des banques. People lost homes. Les gens ont perdu des maisons. Hundreds of thousands of jobs are being lost until today. Des centaines de milliers d'emplois continuent à être perdus jusqu'à ce moment. Remember during the tribulation. Rappelez-vous que durant la tribulation, pendant le temps de tribulation, the Antichrist. L'Antichrist. He's going to come forth with a false prophet. Il viendra d'abord avec le faux prophète. And that prophet, the Bible says, will have tremendous economic power. Ce faux prophète aura un pouvoir économique extraordinaire. He will determine the rules of selling and buying. Il va déterminer la loi de vendre ou d'acheter. Let me tell you one thing today. Laissez-moi vous dire quelque chose aujourd'hui. The current global economic crisis. La crise économique globale actuelle. Is a prelude. C'est juste un prélude. A preamble. An introduction. Un préambule, une introduction. To the mighty economic crisis of the tribulation. Pour la grande crise économique pendant la tribulation. Because it is ripening the earth. Parce que ça is ripe. Right, you know the way a fruit becomes ripe. Vous voyez comment le fruit commence à mûrir. It is ripening the earth. C'est en train de mûrir la terre. The current global economic crisis. L'actuelle crise économique mondiale. The manifestation of the effects of the black horse. La manifestation des effets du cheval noir. Is ripening the earth. C'est en train de préparer la terre. For the tribulation. Pour la tribulation. Time is over. Le temps est consommé. Le temps n'est plus là. But I want to go back a little bit, precious people. Je vais retourner un peu, précieux peuple. On November 20th. Au 20 novembre. The year 2007. L'année 2007. I saw the visions of God Almighty. J'ai vu la vision du Dieu Tout-Puissant. And in that vision, et dans cette vision, I was walking on a road. J'ai marché sur le chemin. And then very quickly, et rapidement, I began to realize, j'ai commencé à réaliser, that the Lord was walking with me. Que le Seigneur marchait avec moi. Because I could hear his voice coming from this side. Parce que j'entendais sa voix venir de ce côté-ci. Even as I walked on this road. Alors que je marchais sur ce chemin. And he was telling me about the small rocks on the road. Il me parlait au sujet des petites pierres qui étaient sur ce chemin. The big rocks. Les grosses pierres. He was telling me to avoid them, not to stumble. Il me disait de ne pas les cogner, mais de les échapper, de les éviter. And I was walking with the Lord. Alors je marchais avec le Seigneur. In this mighty vision of the Lord dans God. Dans cette grande vision du Seigneur notre Dieu. And then all of a sudden. Alors soudainement. We came to a junction. Nous sommes arrivés à une jonction, à un carrefour. We came to a junction. Nous sommes arrivés à une jonction. And I did not know which way to take. Alors je ne savais pas de quelle direction aller. But as we were approaching the junction, alors quand on approchait cette jonction sur ce chemin, the voice of the Lord said, la voix du Seigneur dit, take the one that turns right. Prends la voie qui tourne à droite. And when I took the one that turns right, comme j'ai pris celle qui tournait à droite, there was a problem. Il y avait un problème. Because it had many winds. Parce que le chemin était serpenté. Such that now I was not able to see farther ahead where we were going. C'est-à-dire qu'il y avait tellement de courbures que je pouvais pas voir au-delà de l'endroit où j'allais. And the voice of the Lord. Et la voix du Seigneur. Continued here. Continuait là. up to a place jusqu'à un endroit where that road turned right, quand ce chemin tournait vers la droite, and more right, encore plus à droite, and more right, encore plus à droite encore. Then the voice of the Lord said, alors la voix du Seigneur dit, look, regarde, this is the house of the Lord. Regarde, ça c'est la maison du Seigneur. And when I looked up, et quand j'ai levé le regard, I saw the house of the Lord. J'ai vu la maison du Seigneur. Listen very, very, very carefully. Suivez-moi très, très attentivement. When I lifted my head up to see the house quand of the Lord, quand j'ai levé ma tête pour voir la maison du Seigneur, I saw a precious golden dome. J'ai vu un dôme très précieux en or. Very preciously golden and very nicely adorned. Vraiment précieux, vraiment doré, un dôme très précieux. The dome, le dôme, was sitting on the roof of the church. S'asseyait sur la toiture de l'église. And yet, alors, immediately I saw it. Immédiatement quand je vis cela, I realized. J'ai réalisé that the pillars of support, que les piliers, The vertical metals and pillars that were built piliers, to support the dome on the roof of the les church. Les piliers verticaux qui étaient conçus pour soutenir la charpente de cette temple, they were broken. C'était cassé. And so there was a remnant skeleton metals that were now just barely holding the dome. Il y avait un reste de ces piliers qui étaient là qui soutenaient encore le dôme et la toiture de la maison. On top of the church. Au-dessus de l'église. And then at that time, alors à ce moment, as I was still looking at the dome and I was very surprised why the precious dome has just some remnant, broken, desolate skeleton metal supporting it. Alors j'étais étonné parce que je voyais comment ce dôme doré précieux était juste supporté par une forme de squelette, de support, de piliers qui étaient là suspendus. Then immediately heaven opened. Et immédiatement le ciel s'est ouvert. And I saw the glory of God Almighty. J'ai vu la gloire du Dieu Tout-Puissant. Came down like a huge cloud. Cette gloire de Dieu est descendue comme une grande nuée. Almost the size of Montreal. Vraiment cette nuée était grande comme la dimension de la ville de Montréal. And that glory came and settled on the dome, on the dome. Cette gloire est venue et s'est assise sur le dôme qui est au-dessus de la maison. It was more on the left-hand side of the dome, more like this. Il y avait plus de gloire vers le côté gauche de ce dôme-là. And it went up, that cloud of his glory went up like that from where it came and it was more on the left. Alors cette grande nuée de la gloire de Dieu qui est descendue est allée du côté gauche comme cela. It looked more like you can look at a volcano that is emitting. C'est comme si quand tu regardes et qu'il y a un volcan qui est en train de jaillir le feu. And then after that, et après cela, the voice of the Lord said, la voix du Seigneur dit, let us enter into the house of the Lord. Allons-y, entrons dans la maison du Seigneur. There was a door with double arch. Il y avait une porte avec deux double arch door. One big door with two small doors. Yeah, c'était une grande porte. You know the way they open like this. Oui. Double. Une porte double. With two doors. Avec deux portes. And when the boy said, "Let us enter into the house of the Lord." Quand la voix dit, entrons dans la maison du Seigneur. Then the double arch door opened. Alors la porte à deux parties s'ouvra. Hallelujah. Don't stop the word of the Lord, please. Don't step out. Don't do that. Listen to this. Écoutez ceci. Listen to these precious people. Écoutez ceci, précieux peuple. Then immediately. Immédiatement. The double arch door opened. La porte à des parties s'ouvra. And then I entered into the house of the Lord. Alors j'ai rentré dans la maison du Seigneur. But when I entered there, quand je suis rentré dedans, the voice of the Lord God, la voix du Dieu Tout-Puissant, now began to come from the altar area. Maintenant commence à sortir du côté de l'autel. And he said, et la voix disait, look, regarde, this is the house of the Lord. C'est la maison du Seigneur. And I had to turn left. Alors je devais me tourner vers le côté gauche. To see the house of the Lord. Pour voir la maison du Seigneur. What did I see? Qu'est-ce que j'ai vu? I saw millions and millions of chairs. J'ai vu des millions et des millions de chaises. It was like an ocean of chairs. C'était comme un océan de chaises. I could not tell where they ended. Je ne pouvais pas dire où cela s'arrêtait. Even this way. Même de ce côté-là. But one thing about the chairs. Mais il y a une chose avec ces chaises-là. They were black chairs. Elles étaient toutes des chaises noires. And each chair had an armrest like this. Alors chaque chaise avait des accoudoirs. Where you put your arm when you où sit. Tu mets tes bras dessus. And then, alors, as I continued looking at the chairs, comme je continuais à regarder sur les chaises, I quickly realized, j'ai rapidement réalisé that these chairs que ces chaises-là were completely empty. Elles étaient complètement vides. There was nobody sitting there. Il y avait personne qui était assis sur ces chaises. So I was surprised. Alors j'étais surpris. But as I continued looking there, alors comme je continuais à regarder là-bas, then some grass, alors quelques herbes began to grow, commençaient à pousser, and started growing between the chairs. Et l'herbe commençait à pousser au milieu des chaises. In fact, it was so much that it covered the heads of the chairs. En fait, il y avait tellement de l'herbe que ça couvrait toutes les chaises qui étaient là dedans. Then the voice of the Lord came again from the altar area. Alors la voix du Seigneur parla de nouveau du côté de l'autel qui était dans le temple. Everybody listened very carefully. Tout le monde suivait attentivement, s'il vous plaît. The voice of the Lord said. La voix du Seigneur dit. They used to worship here. Ils avaient l'habitude d'adorer ici. But not anymore. Mais ils ne viennent plus adorer ici. And then after that, après cela, he said, "Go tell these people to repent." Il me dit, va dire à ce peuple de se repentir. And prepare for the coming of the Lord. Et de se préparer pour l'arrivée du Seigneur. I remember I woke up. Je me rappelle que je me suis réveillé. That November 20th. Ça c'était le 20 novembre. 2007. And I was very disturbed. J'étais très embêté. What has the Lord spoken to me about? Qu'est-ce que Dieu m'a dit là-dessus? And then slowly by slowly. Alors peu à peu. He began to give me revelation. Il a commencé à me donner la révélation. On what he was sending me to tell you. De ce qu'il m'a envoyé pour vous dire à vous. Let us walk through this very carefully. Laissons marchons maintenant sur cela de façon très très sérieuse. The golden dome. Le dôme en or. That is adorning the church, the head of the cover of the church. Qui est en train de couvrir la toiture de l'église. That is symbolic of Christ, the head of the church. C'est le symbole de Christ, la tête de l'église. The Holy One. Le Saint. The head of the church. La tête de l'église. But what is amazing to me. Mais ce qui m'a étonné. That the contact. Le contact. Between the precious golden dome. Entre le précieux dôme en or. And the church. Et l'église. Was broken. Était cassé. What is the contact between the church and Christ? Quel est le contact entre l'église et le Christ? What is the pillar that supports that connects the church and Christ? Quel est le pilier qui connecte qui soutient entre le Christ et l'église? The Holy Spirit. C'est le Saint-Esprit. That tells you. Cela vous dit that the Holy Spirit. Que le Saint-Esprit. The one who was given authority. Celui à qui a été donné l'autorité. To reveal Christ to the church. De révéler Jésus-Christ à l'église. Has not been embraced in the church. Elle n'a pas été embrassée par l'église. N'a pas été reçue par l'église. Has not been received in the church. Elle n'a pas été, il n'a pas été, le Saint-Esprit n'a pas été reçu par l'église. He is the one that reveals the person of Christ to the church. Il est celui qui révèle la personne du Christ à l'église. He is the one that reveals the mind of God to the church. Il est celui qui révèle la pensée de Dieu à l'église. He is the one that reveals the wisdom of God into the church. Il est celui qui révèle la sagesse de Dieu à l'église. He is the one that brings the fear of God into the church. C'est lui qui amène la crainte de Dieu dans l'église. Listen to this. Écoutez ceci. How about the glory that came down? Alors, qu'en est-il de la gloire qui est descendue du ciel? Which means the decreed moment has arrived. Ça veut dire que le moment de décret est arrivé. For the Lord to release the last anointing. Pour que Dieu puisse envoyer la dernière pluie. To prepare the bride of Christ. Pour préparer l'épouse de Christ. That she may be radiant. Afin qu'elle soit radiante. Glorious. Qu'elle soit glorieuse. Brilliant. Qu'elle soit brillante. Holy. Qu'elle soit jolie. Righteous. Qu'elle soit radiante. Spotless. Qu'elle soit sans tache. Blameless. Qu'elle soit irrépréhensible. Stainless. Qu'elle soit sans souillure. That glory has been released. Cette gloire a été relâchée du ciel. That means we are living in the dispensation of open heaven. Ça veut dire que nous sommes en train de vivre dans la dispensation de ciel ouvert. But the church is not yet ready. Mais l'église n'est pas encore prête. That's why it settled only on the dome. C'est pourquoi cette grande gloire est juste s'est arrêtée sur le dôme qui est au-dessus de l'église, au-dessus du temple. He only settled on the dome. Cela est juste au-dessus, assis sur le dôme. And yet, when I entered with the Lord into the church, quand je suis rentré avec le Seigneur dans l'église, the chairs are black. Les chaises sont noires. Black stands for sin in the dream. La couleur noire représente le péché dans un rêve. In the dream, if I were praying for someone's ministry, si j'ai prié pour un ministère quelconque, many times he can show me, look, that person is driving a black bus. Des fois, il me montre, regarde, cette personne est en train de conduire un bus noir. That means there is a lot of sin in the ministry. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de péchés dans ce ministère. At times, he can say, look how. Il y a des moments, il me dit, regarde. He's driving a very powerful white car. Il conduit une voiture blanche très puissante. That is a holy ministry. Ça, c'est un ministère saint, un ministère qui est saint. The chairs are black. Mais les chaises ici sont noires. Which means sin has been established in the house. Ça veut dire que le péché s'est établi dans la maison. Listen to this. Écoutez ceci. The grass was growing. L'herbe même a poussé. The Bible says in Matthew, la Bible dit dans Matthieu, that when the church goes to sleep, quand l'église est allée se coucher, dormir, the devil will come and plant the wrong seed in the church. L'ennemi va rentrer, va semer la mauvaise semence dans l'église. They used to worship here. Ils avaient l'habitude d'adorer ici, but not anymore. Mais plus encore. Why did the Lord say so? Pourquoi Dieu a dit cela? Let me tell you this. Laissez-moi vous dire ceci. Why were the chairs empty? Pourquoi les chaises étaient vides? I remember I went on my knees. Je me rappelle, je suis allé sur mes genoux. And I asked the Lord. Et j'ai demandé au Seigneur. But Lord, mais Seigneur, every Sunday, chaque dimanche, there are millions of people going to church. Il y a des millions de personnes qui vont à l'église. How can you not see any one of them? Comment est-ce que tu ne vois personne d'entre eux? How possible? Comment est-ce possible? There are millions going to church. Il y a des millions qui vont à l'église. How can you fail not even to see one? Comment tu peux ne pas voir juste une personne, même pas une personne? Empty. Vide.